喂，ce soir encore, mon cœur s'est noyé dans un nouveau verre de gin. Mes princes charmants et mes vieilles amours tournent dans mon verre, dansent dans ma tête. Tu peux venir, mon beau frisé, je t'emmènerai dans mes vertiges. Oh, je ne suis pas Marlène, mais princesse d'occasion. Tourne carousel dans ma tête, j'ai les yeux de Marlène. Dans un vieux cabaret de Berlin, là-bas, je chanterai jusqu'au matin. Dans la fumée, je serai l'ange bleu et je brûlerai le cœur. Je voulais être danseuse ou bien pianiste. Et me voilà, poupée de bar, tournant comme une toupie à coups de gin et whisky. Est-ce que monsieur sable le champagne? Encore un verre, je serai marre. Encore un verre, et je serai marre. Tourne carousel dans ma tête, j'ai les yeux de Marlène. Dans un vieux cabaret de Berlin, là-bas, je chanterai jusqu'au matin. Dans la fumée, je serai l'ange bleu et je vous brûlerai le corps.